la fondation de la cité. Le gouvernement et l'ordre dans la fourmilière sont mieux équilibrés et plus stables que dans la ruche, sujette chaque année et souvent plus d'une fois dans l'année à des troubles dynastiques ou matrimoniaux qui mettent en péril ses richesses et son avenir. D'autre part, chez les termites, la célébration de noces où les époux périssent par milliers est extrêmement onéreuse pour la communauté et ouvre parfois à l'ennemi les portes de la cité. Dans le monde des fourmis, les vols nuptiaux où les mâles rencontrent et fécondent une fois pour toutes les femelles ont moins d'apparat et sont plus économiques. Comme il sied à l'humble livrée de l'insecte, il rappelle de modestes noces campagnardes. Néanmoins, étant assez souvent célébrées le même jour, en vue de la fécondation croisée, par toutes les fourmilières d'un canton, elles provoquent une certaine effervescence dans le ciel et surtout à la surface des fourmilières, où les ouvrières, inquiètes et surexcitées, conduisent hors du nid et, comme pour les encourager ou leur faire leurs adieux, accompagnent aussi loin qu'elles peuvent les femelles qui vont accomplir leurs périlleux devoirs et qu'elles ne reverront plus. Car pour les fourmis comme pour les termites, l'amour a presque toujours le même visage que la mort. Pas un des mâles ne survivra. Sur 1000 vierges qui se sont élancées vers le ciel, 2 ou 3 tout au plus rempliront leur destinée et connaîtront les misères que nous allons décrire. Du reste, une police prévoyante et bien organisée veille aux entrées et aux abords du nid et ne permet pas que toutes les femelles prennent leur vol sans retour. Il ne faut pas que la cité soit privée de jeunes mères et vidée de son avenir. Elles retiennent de force, en se cramponnant à leurs pattes, celles qu'elles trouvent sur le dôme de la colonie et qu'on ne sait quel sort à désigner, leur arrachent les ailes et les ramènent dans les souterrains où elles resteront prisonnières jusqu'à la fin de leur jour. Qui les compte et proportionne leur nombre à l'importance et aux besoins de la République. Il serait inutile d'essayer de décrire mieux que ne le fit Réaumur ces humbles scènes nuptiales qu'il fut le premier à signaler. Voici le tableau qu'il trace de sa découverte, qui du reste n'eut aucun retentissement, puisqu'elle demeura ensevelie dans un manuscrit qu'on vient tout récemment de publier en Amérique. Étant en route pour le Poitou, et me trouvant sur la levée de la Loire, assez proche de Tours, dans un des premiers jours du mois de septembre 1731, je descendis de ma berline, invité à me promener par la beauté du lieu et par un air tempéré que la chaleur qu'il avait faite pendant le reste du jour rendait très agréable. Le soleil ne devait plus rester sur notre horizon que pendant 1 heure. Dans ma promenade, je vis beaucoup de petits tas de grains sablonneux et terreux élevés au-dessus des trous qui conduisaient les fourmis à leur habitation souterraine. Plusieurs de celles-ci se tenaient alors en dehors. Elles étaient rouges, ou plutôt rousses, et d'une grandeur médiocre. Je m'arrêtai à considérer plusieurs de ces monticules de terre et remarquai sur chacun, parmi les fourmis non ailées, des fourmis ailées, de 2 grandeurs fort différentes. Les unes n'avaient pas le corps plus gros que celui des fourmis sans ailes, et en juger à la vue simple, une des autres devait peser plus de 2 ou 3 de ces dernières. Sur cette belle levée où je me promenais avec plaisir, paraissaient en l'air, dans des endroits peu éloignés les uns des autres, de petites nuées de gros moucherons, qui volaient très vite en tournoyant, et qu'on devait soupçonner être ou des cousins ou des tipules, ou des mouches papillonacées. Souvent, la petite nue se tenait dans l'air à une hauteur où la main pouvait atteindre. Je me servis d'une des miennes pour prendre de ces mouches, et j'en pris à bien des reprises différentes. Toutes celles dont je me rendis maître ne devaient pas m'être difficiles à reconnaître pour ce qu'elles étaient. C'étaient des fourmis ailées, semblables à celles que je trouvais à chaque pas sur les petits tas de terre. Mais une remarque qui était aussi essentielle qu'aisée à faire, c'est que je les prenais presque toujours par paire. Non seulement j'en trouvais presque toujours dans ma main une grosse et une petite, le plus souvent je les prenais jointes ensemble, et je les y tenais pendant du temps, sans qu'elles se séparassent. La petite était posée sur la grosse, comme dans les accouplements des mouches ordinaires, le mâle l'est sur la femelle. Le derrière de la petite fourmi était recourbé pour s'appliquer sur celui de la fourmi femelle. Et il y était si adhérent qu'il fallait avoir recours à la force pour l'en séparer. Le corps de ce petit mâle n'avait qu'à peine la moitié de la longueur de celui de la femelle. Aussi, ne pouvait-il couvrir que la partie postérieure du corps de celle-ci. Je pressai le corps de quelques-unes des grandes fourmis et j'en fis sortir des grappes d'œufs. Chaque femelle a 5 ou 6 époux qu'elle emporte parfois dans son vol et qui attendent leur tour, après quoi, rabattus sur le sol, ils y périssent au bout de quelques heures. L'épouse fécondée descend, cherche un gîte dans l'herbe, décroche ses 4 ailes qui tombent à ses pieds comme une robe de noces à la fin de la fête, brosse son corselet et se met à creuser le sol afin de se cloîtrer dans une chambre souterraine et de tenter d'y fonder une colonie nouvelle. La fondation de cette colonie, qui bien souvent n'aboutit qu'au désastre, est l'un des épisodes les plus pathétiques et les plus héroïques de la vie des insectes. Celle qui sera peut-être la mère d'un innombrable peuple s'enfonce donc dans la terre et s'y façonne une étroite prison. Elle ne possède d'autre vivre que ce qu'elle porte dans son corps, c'est-à-dire dans le jabot social, une petite provision de rosée miellée, sa chair et ses muscles, surtout les puissants muscles de ses ailes sacrifiées, qui seront entièrement résorbés. Rien ne pénètre dans sa tombe qu'un peu d'humidité provenant des pluies et peut-être de mystérieux effluves dont on ignore encore la nature. Patiemment, elle attend que s'accomplisse l'œuvre secrète. Enfin, quelques œufs se répandent autour d'elle. Bientôt, de l'un d'eux sort une larve qui tisse son cocon. D'autres œufs s'ajoutent au premier. 2 ou 3 larves en émergent. Qui les nourrit ? Ce ne peut être que la mère, puisque la cellule est fermée à tout, hors à l'humidité. Voilà 5 ou 6 mois qu'elle est enterrée. Elle n'en peut plus. Elle n'est plus qu'un squelette. Alors commence l'horrible tragédie. Près de mourir d'une mort qui anéantirait du même coup tout l'avenir qui se prépare, elle se résout à dévorer 1 ou 2 de ses œufs, ce qui lui donne la force d'en pondre 3 ou 4, ou bien elle se résigne à croquer une des larves, ce qui lui permet, grâce aux apports impondérables dont nous ne connaissons pas la substance, d'en élever et d'en nourrir 2 autres. Et ainsi, d'infanticide en enfantement et d'enfantement en infanticide, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais avec un gain régulier sur la mort, le funèbre drame se déroule durant près d'une année, jusqu'à ce que se forment 2 ou 3 petites ouvrières débiles, parce que mal nourries depuis l'œuf, qui perceront les murs de l'In Pace, ou plutôt de l'In Dolore, et iront au dehors chercher les premiers vivres qu'elles rapportent à leur mère. À partir de ce moment, celle-ci ne travaille plus, ne s'occupe plus de rien, et, nuit et jour, jusqu'à la mort, ne fera plus que pondre. Les temps héroïques sont révolus, l'abondance et la prospérité prennent la place de la longue famine, la prison se dilate et devient une ville qui d'année en année se répand sous le sol. Et la nature, ayant mis fin sur ce point à l'un de ses jeux les plus cruels et les moins explicables, s'en va plus loin répéter les mêmes expériences dont nous ne comprenons pas encore la morale ni l'utilité. On peut, à propos de cette genèse, faire une remarque assez intéressante sur l'hérédité et les idées innées. Voilà une femelle qui, avant le vol nuptial, n'était jamais sortie, n'avait jamais pris part aux travaux de la fourmilière. Du jour au lendemain, dans sa tombe, où plus rien ne pénètre, elle connaît tous les métiers sans les avoir appris. Elle creuse le sol, y pratique des loges, soigne, nourrit ses œufs et ses larves, ouvre la coque de ses nymphes, en un mot, bien que munie d'outils moins parfaits que ceux des ouvrières, parvient à faire tout ce qu'elles font. N'est-ce pas, comme je l'ai dit plus haut, l'âme diffuse et collective de la cité qui veut que chacune des cellules qui la composent la porte tout en soi, même quand elle en est séparée, et continue la vie de la communauté dans le temps et l'espace comme si c'était la vie d'un être unique qui sait tout et ne mourra qu'à la mort de la terre. Nous venons d'assister à la naissance honnête et normale d'une colonie. Comme d'habitude, Huber fut le premier à l'étudier et à la révéler. Ses observations furent complétées par Lubbock, par McCook et Blechmann, Fourmis rouges et Componotus tropicaux, par Janet, les Lasius, par Pierron, les Messors, par Forel, C. lignipardus, par Saint-Pel, Lasius flavus, etc. N'importe qui peut répéter et contrôler l'expérience. Il suffit un soir d'été qu'elle pullule jusqu'au fond de nos maisons, de ramasser 12 de femelles facilement reconnaissables parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que les mâles, et de les cloîtrer dans une boîte pleine de terre où l'on entretient une certaine humidité. J'avertis que le déchet est considérable, d'abord parce qu'il arrive assez souvent que la femelle est vierge, et plus souvent encore par manque de patience et de soins. Inutile d'ajouter qu'à cause de l'extraordinaire polymorphisme physique et moral de nos héroïnes, à cause de leur prodigieuse facilité d'adaptation aux circonstances les moins habituelles, une cité se fonde de bien d'autres façons. Le Raptiformica et leur parenté, par exemple, commencent la leur en expulsant simplement de ses demeures une tribu de Serviformica, Fusca. D'autres fois, les fourmis de deux ou trois races différentes se cotisent et unissent leurs ressources. D'autres, enfin, ont recours à l'adoption, à l'alliance volontaire ou forcée, au parasitisme éhonté ou clandestin. Un parasitisme assez ingénieux est celui que pratique l'Arpagonexus sublewis, qui possède des femelles ergatogynes, c'est-à-dire pareilles aux ouvrières. Ces ergatogynes, lourdement cuirassées d'invulnérables chitines, s'introduisent de force dans le nid d'une espèce pacifique et en chassent les habitants dont elles élèvent les larves et les nymphes afin d'en faire les nourrices de leurs petits qui ne sont pas encore nés. Une femelle fécondée, la Carebara vidua, appartenant à une célèbre race latronesque de l'Afrique du Sud, a résolu de façon élégante l'angoissant problème. Cette reine, loin d'être semblable à ses ouvrières, est 3 ou 4 000 fois plus volumineuse qu'elle. C'est munie de magnifiques ailes, la victoire de Samothrace telle que nous la voyons au Louvre, à côté de statuettes d'ivoire. Il est inconcevable que deux, à peu près pareils, sortent des phénomènes aussi dissemblables. Ce sont là les mystères d'un polymorphisme qui ne semble pas dû principalement, comme celui de l'abeille, au régime alimentaire. Quoi qu'il en soit, il lui serait aussi impossible d'élever ses enfants lilliputiens qu'à une autruche de couver et de nourrir une nichée d'oiseaux-mouches. C'est pourquoi, dans son vol nuptial, elle emporte, accrochées aux poils de ses pattes, une douzaine de travailleuses aveugles qui se chargeront des besognes domestiques et des soins que réclament les œufs, les larves et les nymphes. Qui les désigne? Qui les décide à tenter la tragique aventure? Une fois de plus, nous voici dans les régions monstrueuses où nos plus extravagants cauchemars nous mènent rarement. Mais en constatant d'aussi fantastiques anomalies, d'aussi déconcertantes erreurs, d'aussi effarantes folies de la nature, ne convient-il pas d'admirer la manière dont ceux qui en sont victimes s'ingénient à les réparer? Puisque nous avons parlé d'eux, de larves et de nymphes, élucidons en quelques mots cette question. Lorsque, par une belle journée d'été, nous découronnons une fourmilière, nous voyons apparaître sous le sable ou les aiguilles de pin une multitude de grains de froment, de seigle ou de riz que nous prenons généralement pour des œufs. Il n'en est rien. L'œuf de la fourmi, très petit, échappe presque toujours à nos regards. Ce que nous apercevons, ce tas de blé en émoi sur lequel pullulent aussitôt les ouvrières affolées, est formé de larves issues des œufs presque invisibles. Vues au microscope, elles prennent des aspects fantastiquement humains. Elles ont l'air de momies égyptiennes dans leur cercueil de sycomore au masque doré, ou d'enfants vieillots, renfrognés, sardoniques, comme si la nature avait hésité entre l'homoncule et l'insecte, soigneusement emmailloté, encapuchonné et pourvu de tétines pendantes. Elles sont tantôt nues, simplement repliées sur elles-mêmes, tantôt enveloppées d'un cocon au sein duquel s'accomplit la métamorphose en nymphe, nymphe qui à son tour demeure nue ou se tisse un cocon d'où, par ses propres moyens ou avec l'assistance des travailleuses, émergera l'insecte parfait, mâle, femelle ou neutre, selon ce que fut décidé par on ne sait qui, lorsqu'il était encore dans l'œuf ou à l'état de larve. Ne fût-ce qu'au point de vue de la longévité, le sort des trois insectes est fort différent. Les mâles périssent tous après le vol nuptial. Les ouvrières, exposées aux périls sans nombre du dehors, épuisées de travail, ne vivent guère que 5 ou 6 ans, au lieu que dans les fourmilières artificielles, les seules où l'on soit à même de faire des observations sérieuses et suivies, on a constaté qu'une femelle fécondée pouvait dépasser 3 lustres. Au surplus, ce problème de la prédestination, qui, chez l'abeille, dépend de la cellule et de l'alimentation, et chez les termites uniquement de l'alimentation, n'est pas encore définitivement tranchée pour la fourmi. Qui dirige cette prédestination? Qui prévoit? Qui suppute combien d'ouvrières, de femelles fécondées et de mâles sont nécessaires à la prospérité? Qui calcule les rapports de ces nombres? Qui les fixe et qui les harmonise entre eux? Nous n'en savons rien. De même que nous ignorons encore, que peut-être nous ignorerons toujours, qui suspend, qui conduit les astres et équilibre leurs mouvements dans les cieux, car le mystère qu'il se trouve dans le très grand ou dans le très petit est exactement le même. Reste une dernière question. Comment, dans les puissantes colonies qui ont parfois un demi-siècle d'existence et comptent 2 ou 3 millions d'habitants, se recrutent les femelles fécondées? Ces colonies polycaliques, ou un nid confédéré, ont besoin d'un certain nombre de pondeuses afin d'entretenir leur population. Chaque espèce résout la difficulté à sa façon. Parfois, après le vol nuptial, au lieu de fonder une cité, la femelle rentre au nid natal. On l'accueille avec plus ou moins d'empressement selon les exigences et les supputations de l'instinct collectif. Souvent, les ouvrières ramassent près des portes les femelles fécondées qu'elles jugent indispensables à l'avenir de la colonie, les dépouillent de leurs ailes et les font rentrer dans la maison. Parfois, elles partent à la recherche d'une étrangère de leur race ou d'une famille assimilable, ou adoptent une voyageuse qui se présente. D'autres fois, et assez fréquemment, l'union entre frères et sœurs, ou l'adelphogamie, comme disent les entomologistes, s'accomplit dans le nid même, tant nos modestes héroïnes, quand il le faut, savent plus aisément que nous modifier ou tourner leurs lois fondamentales, se prêter à toutes les circonstances et en tirer parti.